Qui m'appelle à cette heure et par le temps qu'il fait? C'est une douce voix, c'est la voix d'une fille. Ah, je te reconnais, c'est toi, muse gentille. Ton souvenir est un bienfait, inespéré retour, aimable fantaisie. Après un an d'exil, qui t'amène vers moi? Je ne t'attendais plus, aimable poésie. Je ne t'attendais plus, mais je rêvais à toi. Loin du réduit obscur où tu viens de descendre, l'amitié, le bonheur, la gaieté, tout a fui. Ô ma muse, est-ce toi que j'y devais attendre? Il est fait pour les pleurs et voilé par l'ennui. Ce triste balancier, dans son bruit monotone, marque d'un temps perdu l'inutile lenteur. Et j'ai cru vivre un siècle, enfin, quand l'heure sonne, vide d'espoir et de bonheur. L'hiver est tout entier dans ma sombre retraite. Quel temps as-tu daigné choisir? Que doucement par toi j'en suis distraite. Oh, quand il nous surprend, qu'il est beau le plaisir. D'un foyer presque éteint, la flamme salutaire, par intervalle encore, trompe l'obscurité. Si tu veux écouter ma plainte solitaire, nous causerons à sa clarté. Petite muse, autrefois vive et tendre, dont j'ai perdu la trace au temps de mes malheurs, as-tu quelque secret pour charmer les douleurs? Viens. Nul autre que toi n'a daigné me l'apprendre. Écoute, nous voilà seuls dans l'univers. Naïvement, je vais vous dire, j'ai rencontré l'amour, il a brisé ma lyre. Jaloux d'un peu de gloire, il a brûlé mes vers. Je t'ai chanté, lui dis-je, et ma voix, faible encore, dans ses premiers accents parut juste et sonore. Pourquoi briser ma lyre? Elle essayait ta loi. Pourquoi brûler mes vers? Je les ai faits pour toi. Si des jeunes amants tu troubles le délire, cruel, tu n'auras plus de fleurs dans ton empire. Il en faut à mon âge, et je voulais, un jour, m'emparer pour te plaire et te les rendre, amour. Déjà je te formais une simple couronne, fraîche, douce en parfum. Quand un cœur pur la donne, peux-tu la dédaigner? Je te l'offre à genoux. Souris à mon orgueil et n'en sois point jaloux. Je n'ai jamais senti cet orgueil pour moi-même. Mais il dit mon secret, mais il prouve que j'aime. Eh bien, fais le partage en généreux vainqueur. Amour, pour toi la gloire, et pour moi le bonheur. C'est un bonheur d'aimer, c'en est un de le dire. Amour, prends ma couronne et laisse-moi ma lyre. Prends mes vœux, prends ma vie, enfin prends tout, cruel. Mais laisse-moi chanter au pied de ton autel. Et lui, non, non, ta prière me blesse. Dans le silence, obéis à ma loi. Tes yeux en pleurs, plus éloquents que toi, révéleront assez ma force et ta faiblesse. Muse, voilà le ton de ce maître si doux. Je n'osais lui répondre et je versais des larmes. Je sentis ma blessure et je maudis ses armes. Pauvre lyre, je fus muette comme vous. L'ingrat, il a puni jusque à mon silence. Lassé enfin de sa puissance, muse, je te redonne et mes vœux et mes chants. Viens leur prêter ta grâce et rends-les plus touchants. Mais tu pâlis, ma chère, et le froid t'a saisi. C'est l'hiver qui t'opprime, éternit tes couleurs. Je ne puis t'arrêter, charmante poésie. Adieu, tu reviendras dans la saison des fleurs.